إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons inshallah le troisième cours concernant le mois de Ramadan du Sheikh Al-Mufti Al-Allama Abdul Aziz Ibn Abdillah Al-Sheikh Hafizahullah Ta'ala. Donc il nous dit Amma mubtilatu sawm faqisman. En ce qui concerne les annulations, les actes annulatifs du jeûne, ils sont de deux catégories. Qismun mujma'un ala kawnihi mufsidan lis-sawm. Une catégorie, c'est la première, dont il y a unanimité chez les savants de l'islam, comme quoi ces choses sont annulatives du jeûne. Wa huwa thalathatu umur. Et il y en a trois sortes. Al-akl wa shurb wal-jima'. Le fait de manger, de boire ou d'avoir des relations sexuelles avec son épouse. Fi nahari Ramadan min al-amid al-mukhtar. C'est que lorsque ces choses ont eu lieu en plein jour de Ramadan, venant d'une personne qui le fait volontairement et qu'il le fait de son plein gré. Volontairement, il ne l'a pas fait par oubli. Il ne l'a pas fait par ignorance. Et de son plein gré, on ne l'a pas forcé à le faire. Dalilu dhalika qawluhu ta'ala. La preuve de cela est la parole du Très-Haut. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc dans le sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « On vous a permis la nuit du jeûne, c'est-à-dire pendant les nuits du mois de Ramadan, d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes. » Parce qu'au début de la législation du jeûne, même la nuit, les compagnons n'avaient pas le droit d'avoir de rapport avec leurs femmes. Et ils ont trouvé cela très difficile. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis cela. Donc, on vous a permis la nuit du siyam d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes. Elles sont pour vous des vêtements. Et Et vous êtes un vêtement pour elle. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Couaitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le siyam, le jeûne, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais n'ayez pas des relations sexuelles avec elle pendant que vous êtes en i'tikaf. L'i'tikaf, c'est ce qu'on appelle une retraite pieuse. C'est le fait de se retirer de la vie pour la mosquée, pour s'adonner à la mosquée en adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est sunna de le faire pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est-à-dire que cette personne, elle reste dans la mosquée à lire le Coran, à faire du dhikr, à faire des du'as, à apprendre sa religion, à lire le Coran, faire des prières. Et il ne sort pas de la mosquée si ce n'est cas de force majeure. Et donc celui qui est en état d'i'tikaf n'a pas le droit d'avoir des rapports avec son épouse. Et donc il dit, mais n'ayez pas des relations sexuelles avec elle pendant que vous êtes en i'tikaf dans les mosquées. Voilà les limites fixées d'Allah. Ne vous en approchez donc pas au risque de les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses signes afin qu'ils deviennent des pieux. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري وغيره من أهل السنن وفي لفظ للبخاري يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. Donc d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne est une protection. Donc, que celui qui est en état de jeûne ne dise pas de paroles insensées, de paroles grossières, d'insultes. Et si une personne vient à le combattre ou à l'insulter, alors qu'il lui dise, je jeûne à deux reprises. Et par celui qui détient mon âme dans sa main, l'haleine qui est due au jeûne, du jeûneur, sent plus bon auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne est à moi et c'est moi qui en donnera la rétribution. Et la bonne action est multipliée par 10. Rapporté par Al-Bukhari et d'autres rapporteurs dans leur Sunan. Et dans une autre version, toujours dans Al-Bukhari, le prophète sallam a dit, il délaisse ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. C'est-à-dire que dans cette version, le désir a été cité avant la nourriture et la boisson. Et dans le hadith complet qu'on a vu avant, il avait dit la nourriture, la boisson et le désir. Ça, c'est une précision. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ مُفَطِّرَةٌ لِلصَّائِمِ مُفْسِدَةٌ لِصَوْمِهِ. Et tous les musulmans, tous les savants de l'islam sont unanimes que ces trois choses, le fait de boire, de manger et d'avoir des rapports avec son épouse, viennent à annuler le jeûne. القسم الثاني من المفطرات ما وقع فيه الخلاف بين العلماء هل يعد مفطرا ام لا. La deuxième catégorie, la première c'était là où il y a l'unanimité. Il n'y a pas de divergence. La deuxième catégorie, parmi ceux qui annulent les actes annulatifs du jeûne, c'est des questions sur lesquelles il y a eu divergence entre les savants. Quand on parle de divergence entre les savants, parce que les savants sont ceux qui tiennent la bannière de l'islam, sont les héritiers des prophètes. Donc leurs paroles, c'est elles qui sont prises en considération. Ce n'est pas n'importe qui est dans la divergence, ce sont les ulama. Donc il n'y a pas lieu, comme certains, de par leur ignorance le font, lorsqu'ils disent « mais moi je pense ». On se fiche de ce que tu penses dans le domaine religieux. Dans le domaine mondain, tu peux peut-être avoir ton opinion. Mais dans le domaine religieux, ta parole n'a pas de valeur. Tu n'es pas un savant. Tu n'es pas une référence dans le domaine religieux. Donc moi je pense, moi je ne suis pas d'accord, moi je crois, ça tu te le gardes pour toi-même. Subhanallah. Et dans combien de questions religieuses, on se retrouve face à des personnes qui disent cela? Ou parce que la personne, elle a une petite place dans son petit village ou dans son petit quartier, et il se permet de dire cela, et les gens croient que lui, il peut se le permettre. Qui a jugé que cette personne peut se le permettre? Des ignorants qui sont en face de lui. C'est eux qui ont jugé cela. Avec quelle base, sur quelle base? Et sur quelle balance? Wallahu al-musta'an. N'est-ce pas que le borgne est un guide dans le monde des aveugles? C'est normal, les gens ils sont tellement dans une ignorance que celui qui a une toute petite lumière, eh bien ils le suivent. Mais de là à croire que cette personne elle a le degré des grandes lumières, non. Donc que chacun reconnaisse sa place. Et comme on dit, il faut garder les pieds sur terre. Il ne faut pas prendre des ailes, il ne faut pas s'envoler. Et ça c'est une grande maladie. Donc c'est les ulama. Et les ulama de la sunna. Et qui font des efforts de réflexion sur les questions. Et parfois il se peut que dans ces questions-là, il y a des divergences. Et on verra que le shir, hafizahullah, il prendra position sur des questions dans lesquelles d'autres ulama ont pris d'autres positions. C'est tout à fait normal, puisque le alim, il nous donne l'avis qu'il pense être le vrai, être la vérité. Mais ça, c'est propre aux ulama du livre et de la sunna. Les ulama reconnus. Donc, il y a eu divergence entre les ulama. Est-ce que telle chose fait partie des actes annulatifs ou pas? وَهَذَا الْقِسْمُ تَحْتَهُ أَنْوَاعُ. Et sous ce chapitre, sur les questions sur lesquelles il y a eu divergence, il y en a plusieurs sortes. مِنْهَا, parmi lesquelles, الْحِجَامَ. Al-hijama, c'est ce qu'on traduit par la saignée. Ce qu'on traduit par la saignée. Hein, c'est une pratique pour faire sortir le mauvais sang d'un endroit du corps. Was-sahih, annaha tufattiru as-sa'im. Et l'opinion authentique, nous dit le shir, hafidhahullah, c'est qu'elle annule le jeûne du jeûneur. Fa'an Rafi' ibn Khadij, radiyallahu anhu, qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. D'après Rafi' ibn Khadij رضي الله عنه qui dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, a rompu son jeûne, a annulé son jeûne, celui qui fait la saignée et celui qui subit la saignée. Celui qui fait l'action et celui qui subit l'action. Les deux ont jeûné. Rawahu Ahmed wa Tirmidhi wa ghayruhuma. Donc rapporté par Ahmed, il y a Tirmidhi et d'autres. Wa fil bab an Thawban wa Shaddad ibn Aws wa Abi Huraira wa Aisha wa Usama ibn Zayd wa Mi'qal ibn Sinan al-Ashja'i radiyallahu anil jami'. Et aussi, dans ce même chapitre, on a des hadiths rapportés par tous ses compagnons que je viens de citer. قال الإمام أحمد رحمه الله الصح حديث في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس وحسن أبو زرعة رحمه الله هذا الحديث من طريق أبي هريرة. Et الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله a dit le hadith le plus authentique dans ce chapitre, c'est le hadith qui est rapporté d'après le compagnon Thauban et aussi le compagnon Shaddad ibn Aws radiyallahu anhuma. Et l'imam Abu Zur'a rahimahullah a rendu la chaîne de narration du hadith d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu comme une chaîne de narration bonne. Wa qala ad-Darimi rahimahullah saha indi hadithu aftar al-hajim wal-mahjum bi hadith Thauban wa Shaddad ibn Aws wa aqulu bihi. Ya al-imam ad-Darimi rahimahullah a dit le hadith que celui qui applique la saignée, celui qui l'a subi, ont rompu leur jeûne, est pour moi un hadith authentique et je vois et j'ai l'opinion qui en découle. Wa qala al-imam Ahmed a hadith aftar al-hajim wal-mahjum wa la nikaha illa bi wali yashuddu ba'daha ba'da wa ana adhhabu ilayha. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit les hadiths que celui qui applique la saignée et celui qui l'a subi ont annulé leur jeûne, et le hadith il n'y a pas de mariage si ce n'est avec la présence du tuteur, c'est-à-dire le tuteur de la mariée, hein, ces hadiths chacun vient à renforcer l'autre. Et je vais vers le contenu de ce hadith. Il en a l'opinion. وكلام أئمة الحديث في الاحتجاج بهذا الحديث كثير. Et les paroles des imams, des savants dans le domaine du hadith, pour s'argumenter par ce hadith-là, il y en a beaucoup. يصعب سردها هنا. Il est très difficile de tous les énumérer. وفي معنى الحجامة التبرع بالدم. Et dans le sens de la saignée, le don du sang. Le don du sang, il le fait entrer, il le met dans la même classe que la saignée. Puisque dans le don du sang, on fait sortir le sang. Wa min al-mufattirati aydan. Et parmi ce qui annule aussi, ma kana bi ma'na al-akli wa al-shurbi mimma yahsul bihi ghidha'u al-badan. كالإبر المغذية وكحقن الدم في جسم الصائم. Et entre dans le sens de la nourriture, ce qui remplace la nourriture et qu'on introduit dans le corps, comme les transfusions nutritives. Les transfusions nutritives. De même que comment on appelle le fait de recevoir du sang, les transfusions sanguines. De même que les transfusions sanguines, c'est-à-dire de recevoir du sang. On a vu la donation du sang, et maintenant c'est les transfusions sanguines, c'est celui qui reçoit du sang. Wa kadhalika aydan al-adwiyatu wal-ilajat allati tu'khadhu min al-anfi aw al-fam li'annahuma منفذان للجوف. De même que les médicaments et les soins qu'on prend par le nez ou par la bouche, car ce sont les deux moyens pour introduire de la nourriture à l'estomac. أما الفم فواضح. Pour la bouche, c'est compris. Tout le monde comprend que c'est le moyen pour faire passer la nourriture. وأما الأنف فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيت بن صبورة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Et pour le nez, sa preuve, son argument, c'est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit au compagnon لاقيت بن صبورة رضي الله عنه et exagères dans lorsque tu prends de l'eau par ton nez, c'est-à-dire pendant les ablutions, qu'on appelle, comment on appelle ça en français? C'est inspirer. Hein, lorsqu'on inspire de l'eau, hein, il lui dit exagère, va très loin dans cela, sauf si tu jeûnes. Il lui a dit sauf si tu jeûnes. Donc on comprend que s'il jeûne, il n'a pas à exagérer dans son inspiration de l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle va s'introduire et elle peut atteindre l'estomac. Et parmi aussi ce qui annule, إنزال المني بشهوة بنحو استمناء أو تكرير نظر لما تقدم من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته. Parmi ce qui annule le fait d'éjaculer avec plaisir, parce qu'il y en a qui peuvent éjaculer sans leur vouloir à cause du froid. Il y en a qui sont pris de maladies, qui fait qu'il leur arrive d'éjaculer sans y chercher un quelconque plaisir, sans y trouver un quelconque plaisir, mais c'est une maladie qu'Allah nous en préserve. Mais là, il dit que c'est éjaculer, faire sortir le sperme avec plaisir, comme par le biais de la masturbation, ou le fait de trop regarder des choses malsaines, hein, qui amènent le plaisir et qui peuvent pousser à l'éjaculation. On prend cela du sens général du hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui est dans le Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir. Wala yaftur bil ihtilam wala bil inzal an-natij 'an at-tafkir. Et n'annule pas, n'est pas un acte annulatif, le fait d'avoir éjaculé après un rêve érotique. Quelqu'un qui a fait un rêve pendant son sommeil, il se réveille, il voit qu'il a éjaculé, cela n'annule pas son jeûne. Ni quelqu'un qui a des pensées. Il n'a rien fait, il n'a rien regardé, il n'a rien fait comme agissement, mais il a eu des pensées, bien qu'il se doive de s'en éloigner. Mais si quelqu'un a eu des pensées, et à cause de ses pensées, ça l'a poussé à éjaculer, cela n'annule pas son jeûne. Les قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق عليه. Pour le hadith d'Abu Hurayra رضي الله عنه, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a pardonné ou a fait grief pour ma communauté dans ce qu'il y a comme discussion intérieure. Discussion intérieure, c'est hein, les pensées, les idées qui traversent l'esprit de la personne tant que la personne n'a pas agi. Tant que la personne n'a pas agi avec ses membres et qu'elle n'ait pas parlé. Tant que la personne n'a pas prononcé et n'a pas agi avec les membres, ce qui traverse son esprit, ça lui est pardonné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وَمَنْ تَعَاطَ شَيْئًا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ السَّابِقَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ عَامِدًا مُخْتَارًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى التَّوْبَةِ وَالتَّدَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Et celui qui en est arrivé à commettre certains de ses actes annulatifs pendant la journée du mois de Ramadan, en l'ayant fait volontairement et de son plein gré, alors c'est un devoir, une obligation pour lui de s'empresser, de se repentir et de revenir à Allah Azza wa Jal. لَعَلَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَيَغْفِرَ لَهُ تِلْكَ الزَّلَّةِ. Car il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et lui efface cette faute. وَمَعَ التَّوْبَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَهُ. Et avec ce repentir, il est une obligation pour lui de rattraper un jour à la place de ce jour dans lequel il a annulé son jeûne. والمجامع في نهار رمضان عامدا مختارا يجب عليه مع التوبة النصوح وقضاء يوم مكان كل يوم أفسده بالجماع كفارة. Et celui qui a eu des relations avec son épouse en plein jour de Ramadan, en l'ayant fait volontairement de son plein gré, il était un devoir pour lui, après avoir fait le repentir sincère, le repentir authentique, et après avoir rattrapé chaque jour annulé à cause des relations sexuelles avec son épouse, il lui est demandé de faire la grande expiation. Al-Kaffara, c'est la grande expiation. Ici, on emploie le terme Al-Qadha et on emploie le terme Al-Kaffara. Al-Qadha, c'est la petite expiation. C'est de rattraper ce jour-là, le jour qui était annulé. Al-Kaffara, c'est la grande expiation qui n'est due qu'au du fait d'avoir eu des relations avec son épouse. Kaffaratu itqi raqabatin. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Et cette grande expiation, elle consiste à affranchir un esclave s'il ne trouve pas de jeûner 2 mois consécutifs. Que veut dire consécutif? Qu'il n'y ait pas de coupure dedans. Si jamais quelqu'un y fait 1 mois et 10 jours, il lui reste 20 jours à jeûner et il prend un temps de repos, eh bien, il devra recommencer tout à zéro. C'est 2 mois consécutifs. Il n'a pas le droit de les couper. C'est pour ça qu'il dit « Shahraini mutatabi'ain ». C'est 2 mois, c'est 60 jours, chaque jour suit l'autre. C'est des jours qui se suivent. On n'a pas le droit de séparer. Et s'il ne le peut, alors qu'il nourrisse 60 pauvres. والدليل على ذلك ما رواه الجماعة بألفاظ متقاربة. Et la preuve de cela, c'est ce qui était rapporté par al-jama'a. Ça veut dire quoi al-jama'a? Le groupe, le consensus, oui. Voilà, c'est-à-dire que ça a été rapporté par l'imam Ahmed et les auteurs des 6 livres, hein, on l'a déjà dit hier, pour ceux qui étaient présents. Donc on voit bien, on revient à la parole qu'on disait, le sens technique et le sens littéral. Et ici, c'est le sens technique des Ahlul Hadith, hein, pour la compréhension de ce terme. Avec des variantes qui se rapprochent. Min hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu qal. D'après le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit: Ja'a a'rabiyun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qal: Halaktu ya Rasul Allah. Qala: Wa ma ahlakak? Qala: Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu dit: Il y a un bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ô messager d'Allah, je suis perdu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Et qu'est-ce qui t'a fait perdre? Il lui dit: J'ai eu des relations avec mon épouse en plein jour de Ramadan. Qala alayhi salatu wa sallam: Hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Qala la. Qala fa hal tastati'u أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Est-ce que tu peux trouver un esclave à affranchir? Il lui a dit non. Alors il lui dit: Est-ce que tu as la capacité de jeûner 2 mois consécutifs? Et lui dit non. Puis il lui dit: Est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il dit non. Qala thumma jalasa fa utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi'araqin fihi tamr. فقال تصدق بهذا. Puis donc c'est sûrement Abu Huraira radiallahu anhu qui relate le hadith, qui dit: puis cet homme s'est assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont attendu un certain temps. Et quelqu'un est venu avec une aumône, avec un panier qui comporte des dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tiens et va donner ça en aumône. Va le distribuer en aumône. Qala, fahal ala afqarin minni, ala fahal ala afqara minni, فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. Alors cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: vais-je distribuer cela à plus pauvres que moi? Dans ces contrées, il n'y a pas une personne dans le besoin plus que moi. Cet homme, c'était vraiment quelqu'un qui n'avait rien du tout. Et il ne connaissait pas quelqu'un de plus pauvre que lui. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه اهلك. Et là le prophète sallam a ri jusqu'à qu'on a vu ses dents et il dit: va et nourris avec cela ta famille. ومن اخر, et cela n'est permis qu'à celui qui est dans la même situation que cet homme. Et celui qui peut mentir aux gens ne peut pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui peut faire la grande expiation et qui fait croire qu'en vérité il ne le peut pas, c'est entre lui et son Seigneur. Si véritablement il ne le peut pas, il n'a pas pu faire une des grandes expiations, cela est levé pour lui. Mais si en vérité il le pouvait, qu'il sache que son Seigneur le jugera là-dessus. Donc subhanallah, cet homme-là, si jamais il fait un mal, il ne le fait qu'à sa propre personne et ne nuit pas les autres. وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانِ الْآخَرِ وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ كَفَّارَةٌ لِلْتَأْخِيرِ أَفْتَى بِذَلِكَ جَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ كَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْجَمِيعِ. Et celui qui a retardé, qui a repoussé l'expiation, qui est de rattraper les jours non jeûnés, jusqu'à que le prochain Ramadan est entré, donc pendant toute l'année, il n'a pas rattrapé son jour. Il l'a retardé jusqu'à que le mois de Ramadan est entré. Donc il ne pourra les rattraper parce que c'est une dette, et la dette, elle reste, et il devra s'en acquitter. Mais puisqu'il ne le fera qu'après ce nouveau Ramadan qui est arrivé, alors avec cette journée de rattraper, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour. Cela a été l'opinion d'un certain nombre de compagnons, parmi lesquels Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar, radiyallahu anil jami'. Wa man ta'ata شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو بغير اختياره فهو معذور ولا شيء عليه. Et celui qui vient à commettre un de ces actes annulatifs, il l'a fait par oubli, ou il l'a fait par ignorance, ou il l'a fait contre son gré, il a été forcé, alors il est excusable. Et il n'aura rien à rattraper. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Pour la parole d'Allah le Très-Haut, dans le sens du verset: ô notre Seigneur, ne nous fais pas le reproche ou ne nous reprends pas lorsque nous avons oublié ou nous nous sommes trompés. ولا يفطر الصائم بنحو قلع السن أو دواء جرح وإن وجد طعمه في الحلق. Et n'est pas un acte annulatif le fait d'arracher une dent ou de soigner une blessure, même s'il retrouve le goût de cela à sa gorge. Wala bi khuruj ad-dam min as-si'al aw ar-ru'af. Et même s'il saigne, s'il vient à saigner, cela n'annule pas son jeûne, quand par exemple le fait de saigner du nez ou d'un autre endroit, cela n'annule pas son jeûne. ولا يفطر أيضا بشم الطيب ولا البخور. De même que si il vient à sentir l'odeur des parfums ou de l'encens, cela ne viendra pas annuler son jeûne. لكن ينبغي له التحرز من الاستعاذة بالبخور واستنشاقه. Mais il se devra de s'éloigner de ce qu'on pourrait appeler l'encens. Je ne sais pas s'il n'y a pas un autre terme qui est plus approprié pour le bukhur, hein, parce que des fois il y a de la matière qui peut entrer de par son nez lorsqu'il inspire cela. لِأَنَّ لَهُ جُرْمًا رُبَّمَ وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ. Et ces particules, elles peuvent atteindre l'estomac. C'est pour cela que le mieux, c'est de s'en éloigner. وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ مَعَاجِينَ الْأَسْنَانِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُنَظِّفَاتِ مَعَ التَّحَفُّظِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهَا لِأَلَّا يَتَحَلَّلَ شَيْءٌ مِنْهَا. De même qu'il n'y a pas de mal à se brosser les dents avec le dentifrice et bien d'autres moyens de se purifier les dents, bien sûr en faisant attention que rien n'entre dans l'estomac. Et pour le jeûneur, de délaisser cela est bien plus sûr pour le jeûneur. Donc par précaution, le mieux c'est de s'en éloigner. لِأَنَّ لَهُ نُفُوذًا قَوِيًّا. Car il se peut qu'il ait un effet très fort. وَيُشْرَعُ لِلصَّائِمِ كَغَيْرِهِ السِّوَاكِ. Mais en ce qui concerne le siwak, c'est le bâtonnet avec lequel on se frotte les dents, il est légiféré pour le jeûneur. أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرَهُ. Que ce soit en début de jour ou en fin de journée. لعموم قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. Pour la généralité du propos du prophète صلى الله عليه وسلم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si je ne craignais pas la difficulté pour ma communauté, je leur aurais ordonné de faire le siwak à chaque prière. أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc rapporté par les sept, Ahmed et les six auteurs des livres, d'après Abu Hurayra رضي الله عنه. ولم يصح في النهي عنه للصائم حديث فيما نعلم. Et il n'y a pas de hadith authentique qui viendrait interdire cela pour le jeûneur dans ce qu'on sait. وإن مما يجب على المسلم تركه في كل وقت ويتأكد ذلك عليه في رمضان لحرمة الزمان المحرمات بأنواعها. Et ce qui est important de préciser aux musulmans, c'est qu'il se doit de délaisser en tout temps, et cela est plus encore demandé pendant le mois de Ramadan, pour le côté sacré de ce moment, les interdictions sous toutes ses formes. فَأَعْظَمُ ذَلِكَ. Et la plus grande de ces interdictions, صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. C'est de donner une quelconque adoration à autre que Allah. Vouer un quelconque culte à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. كَمَنْ يَذْبَحْ أَوْ يَنْظُرْ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ نَبِيٍ أَوْ وَلِيٍ أَوْ مَلَكٍ. Comme celui qui viendrait à immoler une bête, à égorger une bête, ou fait un vœu à autre que Allah, que cela soit fait pour de la pierre, pour les arbres, ou pour un prophète, ou pour un saint, ou pour un ange, tout cela est interdit. Les actes d'adoration sont réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul est en droit d'être adoré. Donc là il y a réponse à ceux qui pourraient dire, non mais nous on ne le fait pas pour des statues, mais on le fait pour tel prophète. Non, même si c'est un prophète rapproché, c'est un prophète envoyé, même si c'est un ange rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont que des créatures dont on n'a pas le droit de vouer un quelconque culte. Le culte n'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que beaucoup dans la communauté, ils ont des croyances fausses, erronées, lorsqu'ils pensent que Quraysh, ce qui leur a été reproché, c'est d'adorer des statues, d'adorer de la pierre. Alors que le fait de vouer ses actions à un prophète ou à un saint, il n'y a pas de mal, car ce sont des personnes qui sont rapprochées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est faux. Toute forme d'adoration n'est réservée qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou yatlub minhu al-madad, ou al-ghawth, ou qu'il demande le secours et l'aide à ses créatures. Tout cela est du polythéisme. Fa inna dhalika kulluhu min ash-shirk billah. Tout cela fait partie de l'association à Allah Azza wa Jal. Yaqulu Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahada." Dans le sens du verset: et les mosquées appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne, n'adorez personne avec Allah. Wa aqibatu ash-shirk wa khima. Et la finalité du polythéisme est très mauvaise. Yaqulullah, Allah dit: "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Donc dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Wa yaqulu subhanahu, et Allah glorifié soit-il dit: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dans le sens du verset, certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et il n'aura comme refuge que le feu de l'enfer, et les injustes n'auront aucun secoureur. Wa mimma yajibu 'ala al-'abdi at-tanabbuh lahu fi hadha ash-shahr aydan amr as-salah fa inna amraha 'azim. Et un autre point à stipuler pour le serviteur, et qu'il doit y prêter attention pendant ce mois aussi, c'est la question de la prière, car c'est une question très importante. Man hafidhaha wa hafadha 'alayha hafidha dinahu wa man dayya'aha fama fa huwa lima siwaha adya'. Celui qui la préserve, celui qui préserve sa prière, alors il aura préservé sa religion. Et celui qui en sera négligent, alors pour tous les autres actes en dehors de la salat, il sera encore bien plus négligent. فالحذر الحذر من التساهل فيها أو أدائها في غير وقتها فإن هذا فعل أهل السوء. Donc attention, une mise en garde contre le fait d'être négligent ou d'avoir du laxisme concernant la prière ou de l'accomplir en dehors de son heure, car cette action-là est l'action des personnes mauvaises. يقول الله سبحانه, Allah glorifié soit-il dit: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dans le sens du verset: et leur ont succédé des générations qui sont venues après eux, qui ont été négligents vis-à-vis de la prière, et ils ont suivi les passions. ومن المحرمات التي يجب التنبه لها. Et parmi les actes interdits dont il est important d'y prêter, d'y faire attention, عقوق الوالدين, hein, la désobéissance et le manque de respect envers les parents, والسحر, la sorcellerie, la magie, وأكل مال اليتيم, et de prendre les biens de l'orphelin, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, et l'assassinat, de tuer une vie qui a été interdite par Allah, si ce n'est par la vérité. Wazina, et la fornication et l'adultère. Warriba, et l'usure et les intérêts. Waqadful muhsanat il ghafilat il mu'minat, et d'accuser faussement et mensongèrement les femmes croyantes insouciantes, wa shahadat az-zur et le faux témoignage, wal kadhib le mensonge, wal khiyana la trahison, wa shurbul khamr et de boire le vin et l'alcool, wa aklu amwalin nas bil batil et de prendre les biens des gens faussement, wa minha et parmi ces interdits il y a al-ghib wa an-namima, il y a la médisance et le fait de colporter les propos de l'un vers l'autre pour y mettre de la zizanie, wa ghayri dhalika min al-muharramat et bien d'autres formes et genres d'actes interdits, allati yajibu 'ala al-muslim al-bu'd 'anha kull waqt, dont il est un devoir, une obligation pour le musulman de s'en éloigner en tout temps. Wa yata'akkadu 'alayhi fi hadha ash-shahr al-karim an yunazziha 'anha sawmahu hatta yakuna min as-sa'imin al-muhafidhin 'ala siyamihim. Mais cela est bien plus demandé pendant ce noble mois dont la personne se doit de purifier de ces choses-là jusqu'à que leur jeûne, jusqu'à qu'ils fassent partie des jeûneurs qui préservent leur jeûne. ثم إن الصائم سواء كان رجلا أو امرأة قد يعرض له من العوارض ما يشرع معه الفطر في نهار رمضان. Puis le jeûneur, il se peut qu'il soit touché par une chose, qu'il soit homme ou femme, qui légifère pour lui le fait de ne pas jeûner pendant le jour de Ramadan. C'est-à-dire des choses qui lui arrivent, qui font, qui lui permettent de ne pas jeûner des jours de Ramadan. Famin al-A'dhar, parmi ces raisons, al-marad, la maladie. Yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dans le sens du verset, donc celui qui sera malade ou en état de voyage, et donc il n'a pas jeûné, alors il rattrapera un nombre de jours semblable. وَالْمَرِيضُ لَهُ أَحْوَالٌ. Et le malade a plusieurs états. أَوَّلُهَا, premièrement, أن يكون مرضه خفيفا عارضا لا يؤثر فيه الصوم. Qu'il soit touché par une maladie infime, une petite maladie passagère, qui ne nuit pas, que dont le jeûne ne vient pas à nuire. C'est dans le fait de jeûner, ça ne va pas accentuer, ça ne va pas nuire, ça ne va pas rajouter dans sa maladie. لا بشدة في المرض. Donc ça ne va pas durcir sa maladie. ولا بتأخر في زمن البر. Et qui ne va pas retarder sa guérison. فمن كانت هذه حاله فإنه لا يباح له الفطر. Celui qui est dans cette situation-là, il ne lui est pas permis de rompre son jeûne. Il se doit de jeûner puisque ce mal qui le touche est un mal passager et son jeûne ne vient pas à rajouter dans ce mal ni à retarder sa guérison. وَهَذَا كَمَنْ يُعْرَضُ لَهُ بَعْضُ الصُّدَاعِ فِي نَهَارِ صِيَامِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. L'exemple de cela, c'est celui qui est touché par des maux de tête passagers pendant la journée de Ramadan et d'autres choses semblables. ثَانِيهَا, deuxièmement, أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ يُؤَثِّرْ عَلَى صِحَّتِهِ imma bishtidad al-marad aw bita'akhkhur zaman al-bur fa huna yustahab lahu al-fitr. C'est que deuxième situation, le jeûne a un effet sur la santé de ce jeûneur. Soit le jeûne va durcir sa maladie ou va être une cause de retardement de sa guérison. Dans cette situation-là, il est recommandé, il est conseillé à cette personne de ne pas jeûner. Thalithul ahwal, troisième situation. An yakuna as-sawm mudirran bihi dararan bayyinan wa qad yuaddi bihi ila al-halakah. Fa huna يتأكد تأكدا كبيرا إبقاء على نفسه ودفعا للضرر عنها. C'est que le jeûne a un effet très néfaste, clair. Et cela peut même l'amener à sa perte, à sa mort. Alors là, le fait qu'il ne jeûne pas est fortement demandé pour préserver la vie de cette personne et pour éloigner ce mal. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لا ضرر ولا ضرار. Il n'y a pas de nuisance et il n'y a pas à s'amener de la nuisance. والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, Allah n'impose pas une âme, une charge au-dessus de ses capacités. ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et craignez Allah comme vous le pouvez. ومن العلماء من قال بوجوب الفطر في هذه الحال. Et il y a parmi les ulama, les savants qui ont dit l'obligation à cette personne qui est dans cette situation de ne pas jeûner. C'est une obligation pour lui, c'est-à-dire qu'il est interdit pour lui de jeûner. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, dans le sens du verset, et ne vous amenez pas, n'amenez pas vos propres personnes vers la perte avec vos propres mains. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالْ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ. Et d'autres ulama ont dit, ce n'est pas une obligation pour lui de ne pas jeûner. وَأَنَّ الصَّوْمْ مَكْرُوهٌ فَقَطْ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمْ. Et donc ils ont dit que pour cette personne, le jeûne est déconseillé seulement et ce n'est pas interdit. وَالْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ أَقْرَبْ. Et là le cheikh donc tranche en disant, et l'opinion qui dit l'obligation de ne pas jeûner pour cette personne est bien plus proche de la vérité. وَبِكُلِّ حَالْ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ عَدَمُ الصَّبْرِ عَلَى شِدَّةِ الْمَرَضِ أَوْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا أَدَّى بِهِ إِلَى التَّشَكِّ وَالتَّسَخُّطِ فَإِنَّهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ. En tout état de cause, si le serviteur sait et connaît de sa propre personne qu'il ne pourra pas patienter sur la dureté de cette maladie et sur l'augmentation de cette maladie, et qu'il se peut même que cela l'amène à s'en plaindre et à être attristé par sa situation, alors dans cet état-là, il est un devoir pour lui de rompre son jeûne et de ne pas jeûner. لِأَنَّ صَوْمُ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمُحَرَّمِ. Car le jeûne pour une personne dans cet état-là va l'amener à l'interdit. Le fait qu'il va jeûner, ça va l'amener à l'interdit. وَهُوَ التَّسَخُّطُ وَالْجَزَعُ. C'est quoi? Ça va l'amener à être dans sa journée, à se plaindre, à être mécontent de sa situation et peut-être même à dire des grossièretés et des choses mauvaises à cause de sa situation. Donc, son jeûne le pousse à faire des choses qui sont interdites. وَمَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى الْمُحَرَّمْ فَهُوَ مُحَرَّمْ. Et ce qui est un moyen qui amène vers un interdit, ces moyens-là est lui-même interdit. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا خِلَافٍ. Et il n'est pas souhaitable que sur une question comme celle-là, qu'il y ait une divergence là-dessus. فَإِذَا أَفْتَرَى من شرع له الفطر بسبب المرض لزمه احد امرين. Donc celui qui a rompu son jeûne, qui n'a pas jeûné à cause de la maladie, il lui sera demandé une de ces deux choses qui vont suivre. اما القضاء بعدد الايام التي افطرها او الاطعام عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام على التفصيل الآتي بيانه. Soit la personne rattrapera le nombre de jours non jeûnés, ou alors il nourrira un pauvre par jour non jeûné, il donnera la moitié d'un sa' à chaque pauvre. Qu'est-ce qu'un sa'? C'est l'équivalent de 4 prises des deux mains. Par exemple, on a de la farine, on a des dattes, on a quoi que ce soit, et on entre nos deux mains, comme ça, réunies. Ça, on appelle ça un moud. 4 mouds, c'est un sa'. Donc, nisfu sa', la moitié d'un sa', c'est deux fois les mains pleines. Et les ulama, souvent, lorsqu'ils disent les mains réunies, ils précisent hein, des mains de taille moyenne. Des mains de taille moyenne. Et puis souvent, on a des mesures pour cela. Selon les détails qui vont suivre, l'explication qui va suivre. Falmarid, écoutez bien. Falmarid, alladhi yurja bur'uhu idha aftar. لزمه القضاء ولا يلزمه الإطعام ولا يجزئه ولو فعله. Donc le malade dont il y a espoir de guérison, on pense que ce malade, il arrivera un moment où il sera guéri de cette maladie. Celui-là, une fois qu'il sera guéri, il se devra de rattraper les jours non jeûnés et ne lui est pas demandé de nourrir des pauvres. Et si jamais il en est arrivé à nourrir des pauvres, cela ne sera pas accepté de lui. Et il devra rattraper les jours. Parce que celui-là, ça ne lui était pas demandé de nourrir des pauvres, mais plutôt de rattraper les jours. فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضِ بَعْدَ رَمَضَانِ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقَضَاءِ حَتَّ مَاتْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٍ. Et si cette personne, dont on avait espoir qu'il allait guérir, mais la maladie est restée avec lui et il n'a pas pu rattraper jusqu'à qu'il soit mort, il n'aura aucun reproche. Et il n'aura rien à faire pour cette personne. وَإِلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ أَيْضًا شَيْءٍ. Et ses héritiers n'auront rien à faire pour lui. Ils n'auront rien à rattraper pour lui. أَمَّا إِن تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ فَفَرَّطَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتْ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ. Mais s'il a été négligent et il n'a pas rattrapé ses jours jusqu'à qu'il soit mort, alors à ce moment-là, il est légiféré à ses héritiers, à ses proches parents, de rattraper le jeûne pour lui. لِحَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَالَ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. Pour la parole du prophète sallam qui dit celui qui meurt alors qu'il devait rendre des jeûnes, des jours de jeûne, c'est ses héritiers, ses proches parents qui rattraperont cela pour lui. متفق عليه, un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. ولأنه دين عليه ودين الله أحق بالوفاء. Et parce que c'est une dette envers lui, et la dette d'Allah est bien plus est bien plus importante à rattraper ou à s'en acquitter. أما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يلزمه إلا الإطعام. Mais le malade incurable dont on désespère de la guérison, celui-là, il lui est demandé de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. فَإِنْ أَطْعَمَ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضِ. Si il a nourri, ben l'obligation, elle est levée pour lui. وَلَهُ أَنْ يُطْعِمَ جَمْعًا مِنَ الْمَسَاكِينِ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. Et il lui est permis de réunir tout le nombre de pauvres qu'il faut pour rattraper les jours non jeûnés dans une même journée. Par exemple, il a 20 jours à rattraper. Ben, il se peut qu'il nourrisse 20 pauvres en une seule fois. Il fait un repas, il les invite et il les nourrit. Et il s'est acquitté des 20 jours qu'il avait à nourrir pour ces jours-là. بِأَنْ يَصْنَعَ لَهُمْ وَلِيمَةً وَيَدْعُوهُمْ إِلَيْهَا أَوْ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمْ. De sorte qu'il fasse un grand repas et il les invite à ce repas, ou alors il distribue ce repas vers ses pauvres. فإن شفي من المرض بعدما أطعم لم يلزمه القضاء. Mais si cette personne dont il avait une maladie incurable, mais il a guéri de cette maladie et il a déjà nourri les pauvres, rien ne lui est demandé. Il n'aura pas à rattraper les jours. Parce qu'au moment où il l'a fait, il avait le désespoir de guérir de cette maladie. لأنه فعل الواجب عليه فبرئت ذمته. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il avait fait ce qu'il était un devoir pour lui. Donc il n'a plus rien à se reprocher. وإن مات وهو لم يطعم أطعم عنه من ماله قبل قسمة التركة. Et s'il vient à mourir et qu'il n'avait pas nourri les pauvres, alors on se devra de prendre de son argent avant de distribuer l'héritage. Avant le partage de l'héritage, de ses biens, on prendra de son argent et on nourrira le nombre de pauvres qu'il faut. لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ. Car c'est une dette qui lui incombe à lui-même. حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ وَلَمْ يُطْعِمْ عَمَّا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ أَطْعِمَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. Même s'il vient à mourir en plein mois de Ramadan, eh bien, pour les jours de son vivant qu'il n'a pas jeûné, on prendra de son argent pour pouvoir nourrir les pauvres. وَمِنَ الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَ لِلْفِطْرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ السَّفَرِ. Et parmi les raisons qui permettent de ne pas jeûner la journée de Ramadan, il y a le voyage. فَإِنَّ الْمُسَافِرِ مَسَافَةَ قَصْرٍ يُشْرَعُ لَهُ الْفِطْرِ. Car le voyageur, celui qui est considéré comme voyageur, à qui il est permis et il est légiféré et lui-même demandé de prier les prières à 4 rak'at en les rendant des prières à 2 rak'at. C'est-à-dire, il raccourcit les prières comportant 4 rak'at en devenant des prières de 2 rak'at. Donc celui-là, il lui est légiféré de ne pas jeûner. Les qawlihi ta'ala, pour la parole divine, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Dans le sens du verset, donc celui qui sera malade ou en état de voyage, il se devra de rattraper des jours selon les jours non jeûnés. فإذا أفطر المسافر في سفره لزمه القضاء بصيام يوم مكان كل يوم من رمضان أفطره في سفره. Donc si le voyageur vient à ne pas jeûner pendant son voyage, il sera un devoir pour lui de rattraper chaque jour non jeûné pendant son voyage. والتفضيل بين الفطر والصوم في السفر مسألة مشهورة عند أهل العلم. Et qu'est-ce qui est préférable entre le fait de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le voyage est une question connue chez les gens de la science. Parce que certains disent le mieux c'est ça, d'autres disent le mieux c'est ça. Sur cette question-là, il y a beaucoup de paroles chez les savants. Et la divergence là-dessus, elle est connue et à chacun son argumentation. Et il est à savoir que cette divergence concerne la question lorsque le jeûne vient à ne pas nuire au voyageur, à ne pas lui rendre la chose difficile. Hein, lorsque la personne en voyage ne ressent rien, le fait qu'il jeûne pas, ça ne lui est d'aucune nuisance. C'est sur là que les ulama ont divergé. Et non pas si la personne, elle ressent un mal et une difficulté pendant son voyage. أَمَّا إِنْ كَانَ شَاقًا عَلَيْهِ فَلَا شَكَّ حِينَئِذٍ فِي اسْتِحْبَابِ فِطْرِهِ. Mais si le jeûne est difficile pour lui pendant son voyage, alors là, il n'y a pas de doute dans cette situation-là que le meilleur pour lui, c'est de ne pas jeûner. لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمَّا رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَدْ أَعْيَاهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ليس من البر الصيام في السفر. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un homme, on essayait de mettre de l'ombre pour lui, on essaie de le couvrir à cause du soleil, parce qu'il a été fatigué par le jeûne pendant le voyage. Et là, le prophète Adam l'a dit, ne fais pas partie de la bienfaisance de jeûner pendant le voyage. Vu la situation de cet homme qui était obligé de chercher un endroit pour ça, trouver de l'ombre, parce qu'il avait de la difficulté à jeûner. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد في هذا كثيرا فإنه لما خرج عام الفتح وكان صائما فلما بلغ كراع الغميم قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر وأمر الناس بالفطر فبلغه أن أناسا لا يزالون صياما فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. Et même le prophète sallam a durci le ton concernant la difficulté dans le voyage. Lorsqu'il est sorti l'année de la conquête, c'est-à-dire en l'an 8 de l'Hégire, la conquête de la Mecque, et il était en état de jeûne. Et lorsqu'il a atteint un endroit qui s'appelle Kira al-Ramim, il lui a été dit, les gens trouvent de la difficulté avec le jeûne. Alors le prophète sallam a rompu son jeûne. Et il a ordonné aux gens de rompre leur jeûne. Et il lui a été transmis qu'il reste des gens qui ont persisté dans le jeûne. Ils n'ont pas voulu rompre leur jeûne. Alors le prophète sallam a dit, voilà les désobéissants, voilà les désobéissants. وإذا كان القوم صحبة في سفر وكان بعضهم صائما وبعضهم مفطرا فإنه لا ينبغي أن ينكر هذا على هذا. Et si les gens sont ensemble dans un voyage, un groupe de personnes, ils sont compagnons de voyage. Et parmi eux, il y en a qui jeûnent et d'autres qui ne jeûnent pas pendant le voyage. Il n'est pas permis à certains de s'en prendre aux autres. Chacun est libre de jeûner ou de ne pas jeûner. Donc il n'y en a pas un qui fait le reproche à l'autre. Pourquoi tu jeûnes ou pourquoi tu ne jeûnes pas. Ils sont libres dans ce choix. لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَدِ اتَّبَعَ السُنَّةِ. Car chacun d'entre eux a suivi une sunna. فالصائم عمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أسفاره. Celui qui est en état de jeûne, eh ben il a accompli ce que faisait le prophète صلى الله عليه وسلم dans la plupart de ses voyages. Il était en état de jeûne. والمفطر عمل بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. Et celui qui ne jeûne pas a accompli certaines paroles et certains actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de certains de ses voyages. Donc chacun a suivi une sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Wa li anna as-sahaba radiyallahu anhum kanat hadhihi haluhum fi asfarihim ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que les compagnons, voilà comment était leur situation lors de leur voyage avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه qui dit, nous voyageons avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, parmi nous il y en avait qui jeûnaient et d'autres qui ne jeûnaient pas. Et le jeûneur ne faisait pas de reproche à celui qui ne jeûnait pas, et celui qui ne jeûnait pas ne faisait pas de reproche à celui qui jeûne. ومن الأعذار التي يشرع لأجلها الفطر للصائم سواء كان رجلا أو امرأة الكبر. Et parmi les excuses ou les raisons qui font qu'il est légiféré pour la personne, qu'elle soit homme ou femme, de ne pas jeûner, il y a l'âge avancé. L'âge avancé. Lorsqu'une personne atteint un âge très avancé, il est dans un état qui est très faible. Donc, c'est une situation qui lui permet de ne pas jeûner. فَالْكَبِيرِ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمِ أَفْطَرْ. Donc celui qui en est en âge avancé et qu'il a de la difficulté à jeûner, il se doit de ne pas jeûner. وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Et il se doit de nourrir pour chaque jour un pauvre. Celui-là, on ne dit pas, mais on regarde est-ce qu'il pourra guérir ou pas guérir. Non. Ça, c'est, à cet âge-là, il ne va que de mal en mal. C'est fini pour lui. La jeunesse, il ne la retrouvera plus. دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve de cela, la parole du Très-Haut. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et pour ceux qui ne peuvent le supporter, ils devront expier en nourrissant un pauvre, c'est-à-dire pour chaque jour non jeûné. Certains, lorsqu'ils lisent le verset, ils pensent que ça veut dire le contraire. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Et pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont la capacité. Non, parce que ça, c'est une mauvaise compréhension du verset. Et Aïcha radiallahu anha l'explique en disant que dans cette formulation-là, il manque un terme qui est « la », c'est-à-dire « وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ ». Et pour ceux qui ne peuvent, même si ce qui apparaît, c'est pour ceux qui peuvent, mais c'est pour ceux qui ne peuvent pas. Dans le sens de « وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دي ليست بمنسوخة. Il dit ce verset n'a pas été abrogé. وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. Et c'est l'homme qui a dans un âge avancé ainsi que la femme qui a atteint un âge avancé. لا يستطيعان أن يصوما. Qui ne peuvent pas jeûner. فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. Ils se devront de nourrir pour chaque jour un pauvre. رواه البخاري. Et cette explication d'Ibn Abbas de ce verset, elle se trouve dans l'authentique de البخاري. ومن الأعذار التي يختص بها النساء دون الرجال. Et parmi les raisons qui sont propres aux femmes en dehors des hommes, il y a الحيض والنفاس. Il y a les menstrues qu'on appelle les règles. Hein, c'est le sang qui coule de la femme périodiquement, une fois par mois, en règle générale. والنفاس, ce qu'on appelle les lochies, c'est le sang qui coule de la femme après l'accouchement. Il coule de la femme après l'accouchement. On appelle ça en arabe النفاس et en français les lochies. فالحائض لا يجوز لها الصوم ولا يصح منها لو فعلت وهي آثمة بصومها حال حيضها وذلك بالإجماع. Donc la femme en état de menstrue, celle qui a ses règles, il ne lui est pas permis de jeûner. Et cela ne sera pas accepté d'elle si jamais elle vient jeûner et elle aura commis un péché. La femme en état de règle qui viendra jeûner, elle fait le péché. Elle a transgressé, désobéi. Son adoration à elle, pendant ce moment-là, c'est de ne pas jeûner. Par obéissance à Allah et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là-dessus, il y a le consensus des savants. Dalilu dhalika, qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadithi khutbatihi, لأحد العيدين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا يا معشر النساء قلنا له وما نقصان عقلنا وديننا قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. La preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son discours d'un des deux Eid. Le rapporteur dit d'un des deux Eid, c'était soit Eid al-Fitr ou soit Eid al-Adha. Dans l'un des deux Eid, le prophète Hassan a dit cela. Il a dit, je n'ai pas vu, dans le sens du hadith, je n'ai pas vu des personnes qui sont diminuées en raison et en religion comme vous, les femmes. Et qui viennent, et avec cela, elles en arrivent à faire perdre la raison à un homme sensé, à un homme fort. L'homme, il est connu qu'en général, il est plus sensé, plus fort que la femme. Mais avec cela, la femme, avec sa faiblesse, elle arrive à détourner l'homme. Et elle arrive à le détourner de sa raison. Alors les femmes ont dit, qu'est-ce que la diminution de notre raison et de notre religion? Il a dit, alayhi sallatou wassalam, n'est-ce pas que le témoignage de la femme vaut la moitié du témoignage de l'homme? Elles ont dit, si. Il a dit, voilà la diminution de votre raison. C'est ça l'explication. C'est-à-dire que dans le témoignage, pour un homme, il faudra deux femmes. Parce que certains, surtout les ennemis de l'islam, ils prennent ce qui les intéresse dans les textes pour dire, regardez ce que dit l'islam. Alors que dans la suite du hadith, on a la réponse à cela. Et le pire, ce n'est pas ses ennemis, on n'a rien à attendre d'eux comme bien. Mais ce sont les gens de la communauté qui tombent dans ces pièges. Wal'iyadhu billah. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle est en état de menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Ils ont dit si. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà la diminution dans votre religion. C'est-à-dire que vous faites moins de prières et moins de jeûnes que les hommes, puisque cette situation-là vous empêche de le faire. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, « وَالنُّفَسَى لَهَا حُكْمُ الْحَائِدِ » Et la femme qui a les louchis, elle a la même situation que la femme qui a les menstrues. « وَيَجِبُ عَلَى كُلِّنْ مِنَ الْحَائِدِ وَالنُّفَسَى قَضَاءُ يَوْمٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَصَابَهَا فِيهِ الْحَيْدِ وَالنِّفَاسِ أَثْنَاءَ رَمَضَانِ » Et il est un devoir, une obligation pour chaque femme qui était en état de menstrue ou qui était en état de lochi, de rattraper chaque jour non jeûné à cause des menstrues et à cause des lochi pendant le Ramadan. Les hadiths et Mu'adha. La preuve, c'est le hadith de Mu'adha. C'est une femme parmi les tabi'in. Annaha sa'alat Aisha, radiyallahu anha. Lorsqu'elle a questionné Aisha, la mère des croyants, radiyallahu anha. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ Comment se fait-il que la femme en état de menstrue, elle se doit de rattraper les jours de jeûne et elle ne rattrape pas la prière? Vous avez entendu la question? Mu'adha, rahimahallah, elle demande cela à Aïcha, radiyallahu anha. L'état de menstrue, l'état de lochi, nous interdit de prier et de jeûner. Mais après cela, il nous est demandé de rattraper que les jours de jeûne et pas la prière. Pourquoi? Donc c'est une question posée par Mu'adh. قالت يعني عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ Est-ce que tu es, Aïcha lui a dit, est-ce que tu es une haruriya? Pourquoi elle lui a dit cela? Parce que cette femme qui a posé cette question n'est pas due au hasard. Les premiers musulmans, la question était claire chez eux. Les sahabes de l'âme étaient clairs chez eux. La femme rattrape les jours de jeûne, ne rattrape pas la prière. D'où elle vient cette ambiguïté? Elle vient des khawarij. Les khawarij ont dit que la femme se doit de rattraper le jeûne et la prière. Donc cette femme, elle a entendu cela. Et lorsqu'elle a questionné Aïcha radiallahu anha, Aïcha lui a dit, est-ce que tu fais partie de ces gens? Et Al-Khawarij, on les appelle aussi Al-Haruriya. Pourquoi? Parce que les premiers qui sont apparus, ils sont sortis d'une ville qui est en Irak, qui s'appelle Harura. Et ceux qui sont de cette ville, on les appelle Haruriya. Donc elle lui dit, Al-Haruriyatun anti. Est-ce que tu suis l'idéologie ou les idées de ce groupe de personnes? Alors la femme a dit, Qalat, lestu bi Haruriya. Elle a dit, je ne suis pas une Haruriya. Mais je demande, je veux savoir. قالت يعني عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Cela nous arrivait, les menstrues nous arrivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a été ordonné de rattraper les jours de jeûne et il nous a pas été ordonné de rattraper la prière. رواه الجماعة بألفاظ متقاربة. Donc rapporté par les sept, hein, l'imam Ahmed et les six rapporteurs et les six auteurs des six livres par des variantes qui se rapprochent. ومن الأعذار التي يختص بها النساء أيضا الحمل والإرضاع. Et parmi les raisons qui permettent, qui légifèrent de ne pas jeûner, propres aux femmes aussi, il y a la grossesse, la femme qui est enceinte, et al-irda, la femme qui allait. Donc la grossesse et l'allaitement. فَإِنَّ الْحَامِلْ أَوْ الْمُرْضِعْ إِذَا خَافَتَ عَلَى نَفْسَيْهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا جَازَ لَهُمَا الْفِطْرِ. Donc la femme en état de grossesse et la femme qui allait, lorsqu'elles ont peur pour leur propre personne, ou pour leurs enfants, pour leurs nourrissons. La femme qui est enceinte, c'est pour son bébé qui est dans son ventre. Et celle qui allait, c'est pour son nourrisson. Il leur est permis à ces deux-là, dans cette situation-là, de rompre le jeûne. Afta bidhalika ba'du as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in. On dit cela, ont répondu comme cela, certains compagnons رضي الله عنهم أجمعين. فإن أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على نفسها لزمها قضاء يوم مكان كل يوم أفطرته بسبب ذلك. Si la femme enceinte ou la femme qui allait a peur pour sa propre personne et donc elle ne jeûne pas, alors elle se devra de rattraper chaque jour qu'elle n'a pas jeûné. وَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا. Mais si elles viennent, ces deux femmes, la femme qui allait ou la femme qui est enceinte, par crainte pour leur enfant, ce n'est plus leur propre personne. Là, on a vu leur propre personne. Là, ce n'est plus pour elles-mêmes, mais c'est pour le bébé qui est dans le ventre ou pour le nourrisson. لازمهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. Elles se devront, en même temps qu'elles doivent rattraper ces jours non jeûnés, elles devront en plus de cela nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. Et cela est rapporté d'après Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar رضي الله عنهم أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.